Scène 13. Pacarel, Landernau, Amandine. Amandine rentre, suivie de Landernau. Elle s'adresse à lui. Ainsi, tu as bien compris. Tu agiteras ton mouchoir bien fort. Landernau a trois raies dans le dos et il tient son mouchoir à la main. Oui, oui, Bibiche. Ah, par exemple, si ce remède-là réussit, je renonce à la médecine. Il agite machinalement son mouchoir. À part, Pacarel fait la même chose. C'est idiot. Dieu, que les femmes sont bêtes. J'ai fixé à 3 heures, vlan. 3 raies. C'est l'heure où mon mari ronfle. Je te laisse. Amandine sort.